Le 5, les participants au séminaire national nigérien sur les idées du jutsu sous thème « Direction de son excellence Kim Jong-un, grand homme sans égal et capacité de se renforcer soi-même de la Corée » ont adressé une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. La lettre indique « Son excellence Kim Il-sung, président éternel de la République populaire démocratique de Corée, a élaboré les idées du jutsu selon lesquelles le maître de son destin est soi-même et la force de modeler son destin aussi réside à soi-même. Alors que son excellence Kim Jong-il a approfondi les idées du jutsu, idées de Sun Gun. » Grâce à la direction éclairée de son excellence Kim Jong-un, respecté dirigeant suprême, le statut stratégique de la Corée a atteint son apogée. L'esprit de se renforcer soi-même de la Corée enraciné aux idées du jutsu et les réalisations prodigieuses de ce moral encouragent vigoureusement la lutte des peuples progressistes du monde attachés à l'indépendance et à la paix. Nous étudierons et propagerons largement le kim-sunisme, kim-jonglisme, idée de primauté des masses populaires et source de l'esprit de se renforcer soi-même. Pour la victoire de l'édification d'une puissance socialiste et de l'œuvre d'émancipation du monde, nous souhaitons sincèrement santé à son excellence Kim Jong-un.